Nicolas, donc le groupe Nicotim. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Nicotim? À la base, donc Nicotim, c'était vraiment une équipe, sachant qu'on était plusieurs Nico dans l'équipe, donc voilà, c'était un petit peu une évidence d'appeler le groupe Nicotim. Et puis c'était aussi pour faire un petit jeu de mots, Nicotim, nicotine, voilà, d'où notre slogan, ça va faire un tabac, quoi. Ça va faire un tabac. Alors donc, justement, tu nous as dit, vous êtes plusieurs, comment se compose le groupe? Alors, aujourd'hui, on n'est plus que deux, on est en duo, Xavier qui est en percussion et au chant, et puis moi-même qui est guitare, ukulélé et chant. Donc le groupe est composé de deux personnes, il a été composé en 2017 de mémoire, et vous êtes du Limousin, il me semble. C'est ça, tout à fait. Alors, Nicotim, chanson française, vous faites que de la composition, de la reprise? Alors, on fait principalement de la composition, très très peu de reprises, ça peut nous arriver, mais généralement on fait un spectacle de 1h30, 2h avec uniquement nos compositions. Après, à la demande, s'il y a une personne qui nous demande éventuellement de jouer une chanson précise, on peut la faire si on sait un petit peu à l'avance, quoi. D'accord. Et je te propose juste un petit extrait derrière nous, chanson d'amour, Nicotim, pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux auditeurs. Oui. Chanson d'amour, ça, tu as dû ramener du monde avec ça, c'est cette musique-là, non? Non, pas spécialement, sachant que j'étais déjà en couple. Donc. Alors justement, d'où te vient cette, par exemple pour chanson d'amour, d'où te vient cette influence? Comment est-ce que tu as composé cette petite chanson-là? Alors, la chanson, celle-ci, c'était tout simplement sur l'histoire de la vie courante, enfin voilà, ce qui pouvait se passer un peu tous les jours, notamment un peu mon expérience. Après, au niveau influence, je suis quand même plus sur du style Jean-Jacques Goldman, enfin voilà, nous ça c'est le best du best. Après, bon, on écoute un peu tout en fait. Tout artiste, on est ouvert à tout, et puis on essaie de faire un mix de tout ce qu'on aime. Et comme on aime beaucoup de choses, des fois on part un peu dans tous les sens, quoi. Ça va faire un tabac, c'est votre troisième album sorti en 2015. Il est dans ces influences-là, justement? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est le troisième album, mais le premier officiel quand même. Ah, le premier officiel? Pourquoi? Les deux premiers, en fait, on les a sortis, mais uniquement en vente. Après les concerts. Oui. Mais ça reflétait pas réellement ce qu'on faisait sur scène. Du coup, on les a mis un peu de côté. Et puis, on a sorti donc l'album officiel. Donc, Nicotim, ça va faire un tabac qui représente un peu plus ce que l'on fait. Et celui que vous jouerez sur scène au festival Area de Bellac le 23 juin prochain? Par exemple, voilà. Alors, on a le 23 juin. On a aussi le 21 juin à côté de Oradour-sur-Glane, une petite ville qui nous a demandé où on peut faire en effet nos chansons principalement de cet album, oui. En prenant quelques reprises aussi des anciens. Des anciens albums. Voilà, tout à fait. Alors justement, on écoute un extrait, Blonde ou Brune, ça tombe très bien. C'était Nicotim. Le deuxième album, je crois. Voilà. Thank you. écoute à l'instant derrière nous, Nicotine Blonde ou Brune. Alors on rappelle les dates où est-ce qu'on va pouvoir venir vous voir, le groupe Nicotine, les prochaines dates de festival ou de concert. Alors la toute prochaine, c'est le 21 juin à Saint-Victurnien dans le 87. Ensuite, on sera donc le 23 juin au Festival Area à Bélac, toujours en 87. Oui, entre Limoges et Poitiers, ensuite, pour situer pour les gens. Voilà, exactement. Et ensuite, on ira à Neuvic-sur-Isle, en Dordogne, pour le Festival Soleil. Voilà, et après, on va se poser un petit peu pour revoir un petit peu nos chansons, éventuellement partir sur un projet de nouvel album pour l'année prochaine, peut-être. On va voir. D'accord. Et alors, un petit site, où est-ce qu'on peut découvrir les albums? Où est-ce qu'on peut les acheter? Parce que c'est ça aussi, hein, d'écouter, oui, et de venir vous voir, c'est toujours mieux, mais on peut aussi peut-être trouver vos albums. Où est-ce que ça se trouve alors? Alors, on peut les trouver sur le site internet du groupe. Hein. Si vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Nicotine, donc NICO'EAM, et puis vous aurez le site internet directement où vous aurez les coordonnées pour pouvoir acheter l'album. Et puis, autrement, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, parce que c'est là où on va faire plus de communication. Et puis, voilà, on répond à tous les messages qu'on nous envoie. Alors, on met un peu de temps des fois, mais bon, on finit par répondre à tout le monde quand même. D'accord. Et moi, je propose un titre, tiens, que tu as envie d'écouter. Alors, j'en ai une dizaine de vous. Il y a Monsieur Cacao, la fille aux cheveux bouclés. Est-ce qu'il y a une petite histoire sur un de ces titres-là? J'aimerais passer le message, le chant de juillet, belle histoire, souvenir d'amis. Ouais, elles ont toutes une histoire au final. Hein, mais, ouais. Après, si je veux faire un peu de pub pour mon Limousin, c'est sûr que ce sera plus le chant de juillet, étant donné que ça parle vraiment du chant de juillet de Limoges. Et puis c'est un peu l'accueil qu'on m'a réservé quand je suis arrivé sur Limoges. Bon, après, il n'y a pas que de l'histoire vraie dedans, il y a beaucoup aussi de plus d'imagination, mais voilà. D'accord. Eh bien, moi, je propose qu'on termine avec le chant de juillet, le groupe Nicotine avec nous sur Arc-en-Ciel, justement. Merci beaucoup à toi du temps qu'on a passé ensemble. Bon courage pour la suite, parce qu'on sait que là, il faut courir maintenant, hein, les interviews, les concerts, les répètes. Et puis bon, on se dit à très bientôt. De toute façon, dès qu'il y a de la nouveauté, tu nous appelles, t'hésites pas. Hein. Avec plaisir. Merci Nico, à bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir. On m'a répondu sans hésiter d'aller. Je suis un peu curieux, je suis allé au champ de juillet, jusque là où il y a merveilleux, à part la gare à proximité. En revanche, j'étais surpris. pas mal en plus. La FM en couleur.